C'était le magique en les murs. Non, ça, c'est l'hymne du magique, mais pas d'anciens combattants, c'est pas le genre de la maison. Et nous voilà ce soir, n'est-ce pas, avec mon ami qui arrive du Québec, exprès pour nous capter. Donc, on va essayer de vous faire une joute en chanson. Je crois que la plupart sont déjà venus, mais ceux qui ne savent pas ce que c'est. Donc, une joute. Oh, bah, c'est pas tout facile. Non, non, non, mais c'est, je m'entraîne. Une joute en chanson, c'est donc. Tu sais qui sait ce que c'est, non? Mais oui, au Moyen-Âge. Oui, mais. Non, c'est une joute en chanson, ça veut dire que j'invite. Chaque mois, j'invite un artiste ou une artiste, c'est évident. Un artiste d'un sexe ou de l'autre. Donc, et qui doit. On se répond. C'est-à-dire, l'artiste commence, il chante une chanson, c'est complètement improvisé. Il chante une chanson, ça m'inspire à une réponse, je lui chante une autre chanson. Ce sont des chansons de nous, en général. Mais c'est pas obligé. Mais je pense que ce soir, ensemble, on verra. Bon, alors. Oui, on chante que nos chansons, excusez-nous. Excusez-nous du peu, oui. Donc, voilà. Donc, je vous présente Jules Bourdeau. Alors, comme je disais, nous, Martine Marcavet, réfugiée du magique, alors je n'ose pas dire, Jules Bourdeau, réfugié du Limonaire, du Forum Léo Ferré, et j'en passe, et des meilleurs, de chez Driss, les uns les autres, avec Mireille, avec Marie-France, enfin bref, on est tous des réfugiés. Mais le cœur y est. Donc on va commencer. Donc voici Jules Bourdeau qui va nous chanter une chanson. Ah. Ah, voilà. Non. Vous cherchez un homme à tout faire, madame. Embauchez-moi. J'ai fait sans métier, sans misère, madame. Vous ne le regretterez pas, car je fus, tenez, sentinelle à la tour de Mel. Parfaitement. Alors, sans mot de passe, assurément, je mettrai en scène vos soupirants, et spadassin sous Charles Quint. Eh ben, je vous chanterai le petit quinca. Je tirerai les marrons du feu, je couperai les poires en deux. Dans mon habit scaphandrier, je plongerai des bouches chez l'évier. Et chercheur d'or dans le Grand Nord, je vous offrirai des cris d'or frais. Cireur de souliers à Broadway, je ferai briller vos grains de beauté. Historien à dormir debout, je ferai chialer le grand méchant loup. Et si vous vous appelez Olga, je me ferai batelier de la Volga. Homme de ménage sans préambule, je balayerai tous vos scrupules. J'aspirerai vos ambitions, je ferai sauter vos contraventions. Tondeur de chien, je couperai l'herbe sous le pied de votre jardinier. Je mettrai au régime vos massifs et je poserai des points sur les ifs. Garde du corps et garde barrière, j'enverrai pète le garde champêtre. Derviche tourneur dans les guinguettes, je ferai valser vos troubles fêtes. Comique troupier à Bourg-en-Bresse, je mettrai le feu dans vos pince-fesses. Et si vous vous appelez Olga, eh ben oui, je me ferai batelier de la Volga. Voleur de punch, vole dans les plumes du premier qui vous importune. Tous les jeudis, quai de Conti, je ferai l'éloge de votre académie. Gardien de phare et de nénuphar, je surveillerai votre baignoire. Marchand de couleurs sur la mer noire, je peindrai en rose vos idées noires. Fileur de jour, d'or et de soie, je vous mettrai dans de beaux draps. Joueur de mots et saltimbanque, pour vous je ferai sauter la banque. Pilier de bar à bar le duc, nous ferons la tournée des grands ducs. Et après quelques verres de punch, nous leur soufflerons dans les bouches. Alors madame, embauchez-moi, j'ai fait sans métier, sans misère. Je serai votre homme à tout faire. Ouais. Mais vous partez ? Madame, madame, à vous partez. Ah ben alors je ne serai pas votre homme à tout faire. Oh, après tout, hein, la belle affaire. Hein. Je sais que dans la vie, il faut pas s'en faire. Alors, madame, madame, je n'en ferai pas une affaire. Ce téléphone à Martine, parce qu'il y a encore quelqu'un qui appelle, qui n'a pas le code, c'est insupportable. Hein. À propos de portable, c'est vraiment insupportable. Mais enfin, on ne va peut-être pas la laisser en otage dans la rue. Oui. Je suis pas là. Bon, alors on a perdu le fil. Ah oui, disait madame, madame, j'en fais pas une affaire. Oui. La recherche de boulot. Hein, oui, il en fera. Il n'en fera pas une affaire, mais moi j'en fais une affaire. Ça m'étonne pas. Madame, sans misère, tout ça. Donc, une seule solution. Adoptez-moi. Ayez pitié du désarroi, de la passion qui brûle en moi. Votre bon cœur, señorita, adoptez-moi. Juste un sourire, écoutez-moi. Votre argent, je ne veux pas. Encore moins d'un ticket repas. Adoptez-moi. D'amour, je suis affamé. À mon secours, venez, venez. Et tirez-moi du célibat. Adoptez-moi. La clé de la porte en bas, je ne peux pas rentrer chez moi. Si vous avez changé les draps, adoptez-moi. J'ai tant connu tant de combats, d'aventures et de tracas. Je suis qu'un enfant malgré tout ça, adoptez-moi. Si j'ai l'air un peu spécial, si j'ai pas la couleur locale, n'ayez pas peur, vous en faites pas. C'est sûr, vous ne regretterez pas. Et dans vos soirées avec moi, là vous allez faire un tabac. Adoptez-moi. Au lit, vous serez fiers de moi. Vous me prendrez dans vos bras. Je vous dirai, mamma mia, adoptez-moi. C'est promis, je serai fidèle. Promis, je ferai la vaisselle. Je ferai n'importe quoi, adoptez-moi. Je serai sage, je bougerai pas, c'est promis, je dérangerai pas. J'irai coucher dans le débarras, adoptez-moi. Comme un chien ou comme un chat, je griffe un peu, mais je ne mords pas. Je ne suis pas si méchant que ça, adoptez-moi. Ça coûte rien d'essayer, et m'essayer, c'est m'adopter. Seul ou en partenariat, adoptez-moi, adoptez-moi, adoptez-moi, adoptez-moi. Je trouve vraiment que c'est de la concurrence déloyale. J'amorce quelque chose. Il essaie de récupérer derrière. Bon, mais puisqu'il a attaqué sur les histoires d'amour, on y va. Une histoire d'amour de pire en pire. À la lueur des candélabres, s'épanouissait son teint macabre. Dans le tréfonds des catacombes, brillaient ses yeux bleus d'outre-tombe. Elle m'avait donné rendez-vous, minuit précise au 13e coup, sur un sofa, elle m'attendait, tissée de toile d'araignée. Autour de nous, les rats rougons. foule et me flanque la chair de poule. Elle me dit, approche-toi, viens t'allonger tout contre moi. Et maintenant, mon bel amant, angoisse-moi, angoisse-moi. Mais retire donc ce col roulé, tu vois bien qu'il va nous gêner. Elle retrousse avec langueur, lentement sa lèvre supérieure. Maman, elle a de grandes dents, aïe, aïe, aïe, aïe. Mes amis, à quelle histoire je suis sous l'empire d'une femme vampire. Et chaque nuit, c'est de pire en pire. Elle me suce, elle m'aspire. Elle est goulue que j'en peux plus. Je suis pompé, je suis vidé. Tout siphonné, ratatiné. Car c'est moi de toute façon. C'est moi qui fournis la boisson. Ma fiancée a les dents si longues que ça la gêne pour les diphtongues. Mais elle s'en sert avec tant d'ardeur qu'elle reprend vite des couleurs. Elle m'embrasse à perdre haleine en me disant que j'ai de la veine et qu'elle ne pensait pas du tout que je pouvais être un si bon fou. Ton sang vermeil, dit-elle, est une merveille. Il coule comme le jus de la treille. Maudits soient les sombres crétins qui ont inventé le boudin. J'aime ton hémoglobine. J'en passe pour ta prothrombine. Et même quand il se coagule, moi je suis folle de tes globules. Oh, laisse-moi reprendre ton pouls. Laisse-moi me nicher dans ton cou. Maman, elle sent encore ses dents. Aïe, aïe, aïe. Mais ça m'a dit, à quelle histoire je vis sous l'empire d'une femme vampire. Et chaque nuit, c'est de pire en pire. Elle me suce, elle m'aspire. Elle est goulue que j'en peux plus. Je suis pompé, je suis viré. Tout siphonné, ratatiné. Car c'est moi de toute façon. C'est moi qui fournis la boisson. Et cette nuit, que se passe-t-il ? Je reconnais plus ma petite sangsue. Elle ne me mordille même plus. La raison est assez cruelle. Il y a longtemps pour ma belle que ses dents se sont déchaussées. Et elle a perdu son dentier. Alors, privée de ses quenottes, la voilà qui devient palote. Et au matin, dans la lumière, notre amour a chu en poussière. Notre amour a chu en poussière. Mais ne vous faites pas de mauvais sang. J'ai trouvé le boulot qu'il me faut. Oui, je travaille dans un labo, c'est moi qui fais les prises de sang, et comme je n'use pas de seringue, petit à petit, je me requinque, un petit caillot par-ci, un petit caillot par-là, mais jamais je n'oublierai, non, nevermore, à la lueur des candélabres, s'épanouissait son teint macabre. Dans le tréfonds des catacombes, brillaient ses yeux bleus d'outre-tombe. Ah, il y a des places là. Si vous êtes arrivé pour la deuxième séance, c'est bien. Donc, il ne faut pas se laisser vampiriser. Le public est un vampire. Ah, les vampires, les vampires. Autant des culottes courtes et des premiers baisers. Pour jouer à se faire peur, on allait au ciné. voir une femme navet, en bande ou bien tout seul. À tout coup, les méchants avaient tous une sale gueule. D'immondes créatures remplissaient l'effroi. Mais moi, ce que je préférais, c'était les Dracula. Avec les crucifix, les miroirs, les gousses d'ail, le cercueil à deux balles, les châteaux où ça caille. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Prenez garde, vous allez trinquer. Le vampire nouveau est arrivé. Ben, ça me gêne, s'il vous plaît. Oui, oui, bah, oui. Il y a un très bon vidéaste qui vous vendra. Alors qu'est-ce que je disais déjà? Le vampire nouveau est arrivé. Battu Nosferatu, enfoncé Dracula. Les vampires aujourd'hui, c'est pas le même cinéma. Ils ont laissé tomber le château des Carpates. Leurs accoutrements de vieilles aristocrates. Ils sont beaux, toujours jeunes, les canines bien cachées. Grands patrons décideurs, ils traquent leurs employés. Ils espionnent leurs proies. Ils épuisent au travail et sucent leurs victimes jusqu'à ce qu'elles en défaillent. Prenez garde, vous allez trinquer. Fini les culottes courtes et les premiers baisers et les suçons d'enfer dans le noir au ciné. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Prenez garde, vous allez trinquer. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le vampire nouveau est arrivé. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Prenez garde, vous allez trinquer. Est sponsorisé par France Télécom. Bon, c'est pas pour critiquer, mais j'aimerais qu'on reprenne quand même le fil du départ. Parce que là, on s'est un peu égaré. Nous étions partis dans le social. J'aimerais qu'on y reste. Et pour bien comprendre toutes les affaires sociales que nous vivons en ce moment, je pense qu'il faut remonter un petit peu, par exemple, à une époque où on se retrouvait assez souvent là, à l'entrée des cavernes. À l'entrée des cavernes, vous vous en souvenez, hein, autour du feu, hein, avec un petit steak de mammouth, là, comme ça. Voilà, vous vous souvenez, voilà. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. À coup de massue sur l'enclume, coup de masse sur le bitume, à coup de marteau sur les doigts, aïe. L'homme a inventé le travail, plutôt que de cueillir des fruits, oui, se laver sous la pluie, de prendre la vie comme elle vient, préfère prendre des tours de rein. Les femmes ont six, c'est les burnous, ous, les hommes vont les faire suer, ils peuvent des tours, oh là là, ils partent débroucher la brousse, vont mettre la terre en chantier. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Les bêtes à cornes, les enfants, les galériens, les éléphants, hommes de peine, hommes de paille, l'homme a mis tout le monde au travail. L'a mis le doigt dans l'engrenage, c'est bon pour les rouages. Et les... Oh, mais il y a des lacunes dans l'histoire. Attendez, c'est une vieille histoire. Fais tourner la planète en bourrique, transforme tout en mécanique. Même l'eau du ruisseau cristallin doit faire tourner le moulin. Voyant ça, la maman des poissons et Bobby en a l'œil tout rond. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. Travaux d'Hercule ou de fourmis, dans le cambouis, dans le génie. L'homme, jamais en peine de trouvailles, l'homme heureux se tue au travail. Pour inventer de nouveaux boulots, au travail du ciboulot, Et les machines font des usines qui feront de nouvelles machines, qui feront de nouvelles usines, qui, pour le moteur à explosion, boum, maintenant plus besoin de charbon. Sur Terre aujourd'hui, tout s'éclaire grâce à la fission nucléaire. Boum, boum. Et comme ça, dans quelques dizaines ou milliers d'années, tout pourra recommencer. Ouh, ouh, ouh, ouh, ouh, ouh. À coup de massue sur l'enclume, coup de masse sur le bitume, à coup de marteau sur les doigts, aïe, l'homme réinventera le travail. C'est la fiction, hein, chez moi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Le travail, la préhistoire, je ne sais pas. L'esclavage. Est-ce qu'il a tout ça? Il y a longtemps, très très longtemps, dans les prairies, les océans, on pouvait voir des dinosaures. Les humains sont arrivés, qui n'avaient rien de plus pressé que d'opprimer les dinosaures. Combien des personnalités rêvaient de se faire trimballer, tirer par quatre dinosaures. Les écuries proliféraient, mais les plus belles appartenaient au roi Nabucodonosor. Et quand le roi se déplaçait, sur son passage on l'entendait « Laissez passer les dinosaures !» Par ces bêtes-là, on organisait des combats et des courses de dinosaures. Et quand des gladiateurs casse-cou les affrontaient à tous les coups, on pariait sur les dinosaures. Et quand on gagnait son pari, on se disait ce soir, chérie, on dit nos paradinosaures. Au lieu, à chaque fois, tous les dîneurs fixaient leur choix sur les rognons de dinosaures. Quand les messieurs les consultaient, tous les docteurs leur conseillaient la semence de dinosaures. Et toutes les dames de raffoler des belles fourrures, des chapeaux et des sacs en peau de dinosaures. Pour elles, le nec plus ultras, la dernière mode, c'était la ligne de beauté, Lady Nosaur. Au lit dans ses appartements, leur roi buvait essentiellement du consommé de dinosaures. Soir et matin, l'hiver, l'été, on pouvait voir sa majesté qui s'abreuvait de dinosaures. Mais à force de trinquer, les grosses bébêtes vinrent à manquer, ce fut la fin du dinosaure. Le dernier soir, le chambellan vint déclarer solennellement « Le roi n'a bu qu'un dinosaure ». S'intitule Patate et Navet. Chanson de crooner. Toujours été mon rêve d'être un crooner. Dans sa cuisine, la jeune fille prépare son repas du soir. À ses pieds, son chien est couché, mais dehors, la lune est. Dans sa menotte, une pomme de terre, à l'épiderme, couvert de germes, de la pointe de son épluchoir, a noté les gros yeux noirs, quand la sonnette inopinée La porte d'entrée vient à venir, mais non, ce n'est que son ami Léon, pas très futé, mais bon garçon, qui vient demander si ça la tente d'aller voir un film d'épouvante. Ravie la jeune fille aussitôt, repose pomme de terre et couteau, une petite caresse à son toutou. Allez, à plus, mon petit pupus. Minuit passé dans l'escalier, voici revenir notre jeune fille, toute papantée, toute souriante, de retour de son film d'épouvante, qui n'a vraiment pas fait frémir, mais ça faisait tellement plaisir. Allez, on part sur la coup de haine, de la rassurer dans le noir. Elle arrive sur son palier, ouvre et pousse la porte d'entrée. Tiens, Pupus vient pas me dire bonsoir. Il a encore pu faire une bêtise. Pupus ! Pas de réponse, comme c'est bizarre. Elle ouvre la lumière. Pas de lumière ? Un horrible pressentiment la submerge subitement. Marchant à tâtons dans le noir, elle s'avance dans le couloir. Quand soudain son pied, en alerte, heurte une masse molle et inerte. Avant même de toucher, elle sait que c'est Pupus, elle va hurler. Quand soudain, au bout du couloir, elle aperçoit deux grands yeux noirs qui la reluquent méchamment. Ses yeux, non, c'est extravagant, ce sont ceux de la pomme de terre qu'elle voulait mettre dans la soupière. La pomme de terre qui s'est, oh oui, démesurément agrandie, sa gigantesque silhouette se découpe dans la clarté du nerf, et ses germes tentaculaires, aussi s'éclant, cercle et lancèrent, broyant, écrasant lentement sa tendre cage thoracique. Cric, cric, cric, cric. Et juste avant que de sombrer dans le néant de l'éternité, la pauvre enfant entend la voix féculente du monstre murmurer: ça t'apprendra à t'en aller voir des navets. D'où le titre Patate et Navet. Excusez-moi, je réfléchis. L'interrupteur, l'interrupteur. C'est de me brancher, oui, sur un instrument. Et dans les chansons de couleur. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, bon, ben, on va essayer, j'en sais rien, moi, bon, allez, bon, on y va. Oui, ben, vous avez vu, je vous dirai, c'est ça, tous ces mecs, vous avez vu le monstre et tout ça, hein, C'est horrible, tout ces, c'est une histoire horrible. Ça, il faudrait vraiment un peu essayer de, hein, de contrer tout ça. Depuis des époques ancestrales, on entend crier partout, faut tuer les loups, tuer les loups. Créatures infernales, humains venus l'on ne sait où, faut tuer les roux, tuer les roux. Les loups-garous, faut tuer les fous, tous les voyous, récidivistes, les artistes. Faut tuer les mouches, les moustiques, scarabées, les araignées, la outa, faut tuer les ours, faut tuer tout ça. Mais touchez pas aux soldats. Déclarons la guerre à l'obèse, boulimique, trop c'est trop, faut tuer les gros. Faut dégraisser. Faut dégraisser alors. Halte aux prothèses qui nous ruinent peu à peu. Faut tuer les vieux. Adultes hors jeu, retraités qui tardent à crever, les assistés, privilégiés, et enseignants, fainéants, cheminots, régimes spéciaux, faut tuer tout ça. Mais touchez pas aux soldats. Ainsi parlait un chef d'État. Il était gros, il était gras. Il était roux, il était fou. Et ses soldats, prenant au mot tous ses dictats, le trucidèrent comme il se doit. Vous voyez votre journal habituel, hein, c'est pas... Il y a tout ça. Alors c'est moi qui suis dans l'embarras. Ah oui, bah, il faut bien. On parlait avec quelqu'un d'Henri Tachon tout à l'heure, ah, qui a fait un parallèle comme ça dans une chanson. Et la chanson, donc, où il y a question de soldats, et puis aussi de quelqu'un qui aime bien les soldats. Ou qui... Voilà. Donc, en... Je crois deviner, mais... Tu crois deviner? Ouais. Non. La chanson de Tachan, tu la vois? Ouais, non, mais tu vois, parce qu'il y a deux vers de Tachan qui sont en relation directe avec ça. Je te dirai après. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'abord de prouver ma tonalité. J'ai deux tonalités, mais voilà, j'hésite entre les deux. Le Do, c'est bien. C'est plutôt le Ré, bah oui, c'est le Ré, voilà, voilà, j'avais bien qu'il y avait une subtilité. En Ré, mesdames et messieurs, un opus en Ré, un opus en Ré qui va nous parler un peu de ce merveilleux endroit qu'est la campagne, hein, où il faut aller plus souvent, parce que, comme l'a dit le poète, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va tirer. C'est moi, pompon. De rien, je n'ai peur. C'est moi, pompon, car je suis un fier chasseur. Quand je déambule dans la rue, dans mon habit vert de gris, dans mon eau, j'entends des gens qui répètent à tout bout de champ. Ah oui, vraiment, le chasseur est un être supérieur. Je leur dis à demi-mot. Mais c'est faux, c'est archi faux. C'est seulement le chasseur français qui est un être supérieur, car il a vif comme la foudre. Il a un. Vanter la poudre, mais non, c'est pas le chinois avec ses pétards à la noix, ni le chasseur africain qui chasse le lion sans son chien, juste avec sa petite sagaie, et court comme un dératé derrière des zèbres épuisés qui finissent par s'écrouler. Non, le chasseur français, non, lui ne court jamais, car il a des rabatteurs, c'est ça, être supérieur. C'est moi, papa. De rien, je n'ai peur. C'est moi, papa. Car je suis un fier chasseur, papa. J'entends souvent dire aussi, le chasseur est un sportif infatigable. Alors ça, c'est un délire. Et même que des fois, à force, on va au-delà de nos forces. Tenez, je vous donne un exemple. Je rentre chez moi le dimanche, vraiment très très fatigué. Il faut dire qu'on avait fait chez Nénès, chez Momo, chez Marivonne et chez Louisette. Alors donc, je rentre très fatigué. Là, t'y pape un marcassin, quand je pousse la grille de l'entrée, un marcassin va se précipiter dans mes jambes. Mon vieux, le réflexe prend. Bon, ma femme se met à gueuler, c'était son petit dernier. Mais je pouvais pas deviner. Avec son pyjama rayé, on aurait dit un marcassin comme deux gouttes d'eau, deux gouttes d'eau. Alors pour la consoler, eh bien que ce soit de sa faute, je lui ai dit, allez, grosse bête, viens donc. Je vais t'en faire un. Et pourtant, j'étais fatigué, mais je suis, c'est indéniable, un sportif infatigable. C'est moi, papa. De rien, je n'ai peur. C'est moi, papa. Car je suis un fier chasseur, papa. Oui, mais tout n'est pas rose, cependant. Il y a parfois des accidents. J'avais un pote épatant qui est mort dans un accident. Chaque fois qu'il tirait un coup de fusil, chaque fois il buvait un coup de pinard. Je vais vous mimer la scène pour que vous compreniez bien. Le canon, hop, un canon. Le canon, hop, un canon. Le canon, bon, un jour il s'est trompé. Il était fatigué. Il a fait un canon, hop, le canon. Alors pour son enterrement, au milieu des chrysanthèmes, on a caché un faisan et quand le curé a dit amen, on a tous tiré ensemble. Ah, c'était vraiment émouvant. Bon, l'enfant de cœur a gâché, mais il se tenait trop près, c'est à mes filles. Et puis de toute façon, la défense des traditions, pour nous les chasseurs français, c'est la seule priorité. Car dans le mot tradition, bien sûr, il y a le mot... Comment tu dis ? Addition, oui. Mais surtout, il y a le mot France. Et qui va sauver la France ? C'est moi, papa. De rien, de rien, je n'ai peur. C'est moi, papa. Car je suis un fier chasseur. Papa, papa, papa. Figurez-vous justement, Julie Bonchard, il m'a dit, tradition de chasseur, et ben, il m'a envoyé une vidéo, c'est avec la réalité. J'avais écrit une chanson il y a, je sais plus combien, je ne compte plus, quand on est mon compte, un certain nombre de décennies, et Julie m'a envoyé une vidéo qu'il avait trouvée, on trouve des choses extraordinaires, des mecs, c'est dans le sud-ouest évidemment, des mecs, oui je crois, une réunion de chasseurs, entre autres, tout ça, et les mecs, touchez pas à nos traditions, nos actes, non mais, c'est incroyable, voilà. Donc, vous allez chanter avec moi, vol, crime, tradition, c'est naturel, donc c'est tout bon, vol, crime, tradition, ça tourne rond, ça tourne. Vol, crime, tradition. C'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourne rond, comme dans le cochon, où tout est bon. Ça tourne rond, sort les litrons, les carafons, amis buvons, et du vrai du bon. Et conservons nos vieux bouchons, les communions, et les morpions, le droit de cuissage, l'excision, Napoléon, l'accordéon et la baston. Et défendons notre blason. Oui. Vol, crime, tradition. C'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourne rond, ça tourne rond, ça tourne. Vol, crime, tradition. Ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourne rond, ça tourne rond. Manifestons et refusons qu'on touche à nos institutions qui tourneront. Et c'est la culture de nos régions, les piliers de la civilisation qui tourneront. Estourbissons tous ces mignons, empêcheurs de tirer en rond. À nous les haches, les tromblons, les fusils de chasse, les canons, aussi loin que nous remontions le Cronenbourg à Cro-Magnon. Vol, crime, tradition. Oui, oui, c'est naturel, et donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. ça tourne rond, ça tourne rond, ça tourne. Vol, crime, tradition. Ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ben, ça tourne rond, ça tourne rond. Ouais. Sans vol, sans crime, pas de prison. D'agilfi, pas de maton, ni d'évasion. De serrurier, non, plus d'armurier, de munitions. Non, pas pour nos populations. Par notre action, nous protégeons et sauvegardons ces professions. Tous les dragons, les bataillons, les escadrons et la légion, les tortionnaires, les espions, corporations qui tourneront. Exécution, viol, agression, l'adultalion, lapidation, prohibition, la concussion, le rince, cochon, purification, déportation, triangulation, épandaison, inquisition, flagellation, exécution, et vol, crime, tradition. Ouais, c'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourneront, ça tourneront, ça tourne. Vol, crime, tradition. C'est naturel, donc c'est tout bon. Vol, crime, tradition. Ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront, ça tourneront. Ça tourneront. Alors, là, je vais peut-être un peu m'éloigner là, de l'enchaînement. Mais pas complètement, vous allez voir, parce que c'est les traditions, voilà, ce que fait l'homme d'une façon générale. C'est pas toujours super. Alors je précise que c'est une chanson assez rare dont je suis jaloux, parce que cette chanson, voilà, je l'ai écrite il y a fort longtemps, en 1981, et contrairement à moi, elle n'a pas vieilli. C'est comme mon CD, il est épuisé. Oui. Franchement, c'est grave. J'avais oublié. Alors là, on va essayer. Un essai. C'était il y a des lustres. Il y a belle lurette. Les dieux étaient aigris, morgueux et trouble-fête. Aux hommes médusés, ils avaient déclaré « De feu serait privé car vous nous déplaisez. Et sous notre glacé, vous pouvez vous léger. » C'était il y a des lustres, il y a belle lurette. Les hommes étaient tremblants, des pieds jusqu'à la tête. C'est alors qu'apparut un grand gars rigolo qui leur dit « Mes amis, ravalez vos sanglots, je m'appelle Prométhée, je sais où est le feu, j'irai vous le voler, mais en guise d'adieu, promettez-moi d'en faire bon usage, promettez-le-moi, ok ? Promettez-moi d'en faire bon usage, promettez-le-moi. » Et c'est depuis ces lustres, depuis cette lurette, que chaque soir au dîner, un grand aigle roussouette. Du foie, toujours du foie, j'en ai jusqu'au gésier. Pendant ce temps, les hommes se sont réchauffés, quand furent rassasiés, se mirent à réfléchir. Le feu, maintenant qu'on l'a, hein? Va falloir le nourrir. Ah oui, mais, oh, les gars, promettez-moi d'en faire bon usage. Promettez-le-moi. Ok. Promettez-moi d'en faire bon usage. Promettez-le-moi. Et voilà bien des lustres. Voilà belle lurette que les hommes embrasés consument la planète. Ils ont brûlé les livres, les forêts, les sorcières, mis l'huile sur le feu à la tanière, feu de paille, feu de joie, de Saint-Jean, d'artifice, à coups de lance-flammes, Rome et Persépolis. Promettez-moi d'en faire bon usage. Promettez-le-moi. Promettez-moi d'en faire bon usage. Promettez-le-moi. Il n'y a plus de lustre, il n'y a plus de lurette. Sur la terre calcinée se termine la fête. Faute de combustible, et le froid l'envahit. Et le le soleil lui-même, lentement, s'obscurcit. Sur mon baril de poudre, me reste une allumette. Je vous promets d'en faire bon usage. Promettez, je vous le promets. Je vous promets d'en faire bon usage. Promettez, je vous le promets. Je vous promets d'en faire bon usage. Promettez, je vous le promets. Oh, ben ça vieillit pas, ça, ces histoires de d'allumettes. Hein. Quand j'étais petit, pour tuer l'ennui, je tirais sur la queue du chat pour voir comme ça et j'arrachais les pattes des mouches. Fini maintenant, je passe mon temps à tirer dans les pattes des gens. Pour me placer, c'est mon métier. C'est bien fini de faire l'enfant, toujours faire les choses en grand. En grand. Quand je montais, je rougissais, ça se voyait, on me grondait. Et plus je montais, plus je rougissais comme une tomate. Maintenant je mens effrontément, on me paye pour faire mon boniment. Félicité et redouté, je suis blindé. Bien fini de faire l'enfant, toujours faire les choses en grand, grand, grand. Déjà gourmand de temps en temps, j'allais chiper tout en tremblant quelques bonbons et je les cachais au fond de mes poches. Maintenant je vole très légalement, je fais des affaires, j'ai plein d'argent. Sors le grand jeu, c'est du sérieux, je fais des envieux. Et bien fini de faire l'enfant, toujours faire les choses. En grand, en grand. Quand j'étais petit, pour tuer l'ennui, je rêvais de braver des interdits. Pas touche pipi, pas touche aussi les allumettes. Fini maintenant, impunément, je peux jouer à papa, maman, foutre le feu même si je veux, et c'est tant mieux. Et bien fini de faire l'enfant, toujours faire les choses en grand. Et bien fini de faire l'enfant, toujours faire les choses en grand. Avant cette chanson, c'est que vous avez remarqué que je compose mes musiques avec deux accords, généralement. Et là, c'est une chanson, c'est pas moi qui ai écrit la musique, et c'est un vrai musicien, et donc il a foutu cet imbécile une flopée d'accords. Voilà, alors je vais essayer de respecter. J'en profite pour dire son nom, il s'appelle Claude Préchac, c'est un excellent compositeur que certains ici connaissent peut-être. Et donc, madame, mon pupitre préféré, voilà, parce qu'il faut que j'aille. J'espère. Et ne tremblez pas, hein, parce que sinon, là aussi, on est les micros dans les libres. Allez, on y va. Alors, parce que je sais pas. C'est vrai que je vous en parlerai tout à l'heure, mais quand j'étais enfant, j'allais souvent à la campagne et il m'est arrivé de garder les moutons. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'arrive des fois d'entendre des voix. Oui, joies du Seigneur sont impénétrables. Dans les bas-fonds de la ville. C'est bien ça, oui, oui, non, non, oui, merci. Oui, c'est bien ça. Dans les bas-fonds de la ville, poubelle, se dresse la tour de Babel. Un ange lourd, mais je chante faux comme un. Non, non, mais pourtant, non, je suis pas dans la tonalité. Dans les bas-fonds de la ville, poubelle, se dresse la tour de Babel. Un angelot, un ingénu dans la nuit, rentre chez lui, escalier à septième ciel, il va retrouver à tire-d'aile. Son nuage à l'abri, son petit paradis, rire aux anges, chanter louange. Mais au coin de la rue, une panthère, une allumeuse de réverbère, cicatrice assassine, sourit. Buisson ardent, elle l'attend. Au tournant, va-t-il s'en tirer? Oh mon Dieu, l'ange est en danger. Dans les pavillons de la ville, poubelle, au pied de la tour de Babel, un ange de vertu perdu ses vertus, repoussant la faiseuse d'ange. Dans le guépier de sa guépière, c'est en vain qu'il implore Saint-Pierre. Tous ses saints le chant grégorien vaut rien face aux saints, ses assassins. La langue de vipère fait son œuvre, lui en fait voir toutes les couleuvres. Le maléfice, le mal est fait. Fruit défendu et mordu à flaque de lune sur le bitume. Un ange y a laissé des plumes. Dans les pavillons de la ville, ricane la tour de Babel. Quand ça la démange, elle gratte le ciel. Mais c'est étrange, l'ange est aux anges. L'éternel serait-il féminin? S'interroge le chérubin. L'éternel serait-il féminin? S'interroge le chérubin. Oui, mais Dieu est déçu et l'ange est déchu. Ça s'entend, mon gars. Comment ils chantent pas souvent, en plus. Les accords, les oublis aussi. Oui, alors, donc, bah oui, l'ange déchu, tout ça, l'ange de bon Dieu, quoi. Bon, bah, écoutez. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampons, ni pour des quinquets de taverne, ni même pour un lumignon. À trop prendre les messies pour des lanternes. Oui, tous les suiveurs en procession répètent en cœur et se prosternent en chantant sur l'air des lampons. Dieu le veut, Dieu le veut, Dieu le veut. L'air, le vent, Dieu le veut. L'ouragan, Dieu le veut. Les oiseaux, Dieu le veut. Le chameau, Dieu le veut. L'être humain, Dieu le veut. Né sans main, Dieu le veut. L'humérus, Dieu le veut. Le virus, Dieu le veut. Je ne mange plus que du caviar à la cantine, Dieu le veut. Je ne mange plus sans mon chapeau, Dieu le veut, Dieu le veut. Je ne mange plus, Dieu le veut, Dieu le veut, Dieu le veut. Faut pas prendre les messies pour des lanternes. Faut pas prendre les sauveurs pour des lampons. Sur la terre, quand le soleil est en berne, ils promettent la lune en consolation. À trop prendre ces messies pour des lanternes, éblouit tous les suiveurs en pamoison. Corus, quand le sauveur qui les gouverne, toujours ponctue ses injonctions de je le veux, sauvons la civilisation, je le veux, stoppons la pipe et la boisson, je le veux, aimons nos banquiers, nos patrons, je le veux, salut est à ce prix, ami, une, deux, je le veux, faut pas prendre les messies pour des lanternes, faut pas prendre les sauveurs pour des lampions. Soit élu Dieu sauveur ou bien patierne, sauvons-nous de nos sauveurs. Mais attention, faut pas pendre les messies à la lanterne. Ces martyrs feraient les petits par contagion. Qu'ils se sauvent et sauvons-nous nous-mêmes. Que triomphent les lumières et la raison. C'était jour de fête. Je faisais fenêtre et porte ouverte, tout le monde était un peu pompette. Les filles me faisaient des risettes, mais quand on les a vues débarquer, ces chenapans, ces garnements, alors là, tout le monde a cessé de rigoler parce que y avait Allah, y avait Bouddha et le grand lama, et puis y avait moi. Je leur ai dit, écoutez les gars, on peut dire que ça suffit comme ça. Eh ben, hein, j'ai eu une petite hésitation. Celle-là, qu'est-ce que je leur ai dit, les gars? Non mais, je leur ai dit, écoutez les gars. Écoutez les gars, ah mais j'ai jamais écrit ça. Je leur ai dit, écoutez les gars, ça ne peut plus durer comme ça. Vous êtes maintenant de grands garçons, vous avez tous âge de raison. Alors un peu de bonne volonté et arrêtez de chamailler. Être divin ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi. Dites-vous bien que la terre n'est pas une cour de récréation pour vos petites guerres de religion. Yahvé. Tagada tswa tswa, yave ala, tagadzim boum boum, yave Bouddha et mon lama, et puis yave, yave moi. Je leur ai dit, vous êtes pas marrant, et même franchement intolérant. Vos illuminations berniques, ça attire surtout les mystiques qui ont perdu leur zygomatique. Qu'avez-vous fait, vos petits copains, tous les dieux grecs et les romains? Eux au moins savaient s'amuser, vous ne savez pas partager, à force d'être monothéistes. Vous n'êtes que des grands égoïstes. Yahvé, Yahvé, Ogé, Ogé, Yahvé, Allah, Gouzi, Gouzi. Yahvé, Bouddha et grand lama. Et puis Yahvé, Yahvé, moi, je leur ai dit. Il serait peut-être temps d'apprendre enfin un vrai métier, de vous décider à travailler et ne plus vivre à nos dépens. On veut plus faire de sacrifices pour satisfaire tous vos caprices, car vous ne faites pas le moindre effort, encore moins qu'un vieillard en sort. Vous fuyez les difficultés, mais devant l'obstacle, il n'y a pas de miracle. Il faut sauter, pas l'éviter. Yahvé, Yahvé, Ogé, Ogé, Yahvé, Allah, Gouzi, Gouzi. Yahvé, Bouddha et grand lama. Et puis Yahvé, moi, je leur ai dit, la foi. À la bouche, vous n'avez que ce mot-là. Mais vos mystères et boules de gomme, c'est rien que des niaiseries pour les mômes. Vous nous prenez pour des bigots, parce que les bigots sont des veaux. Mais ça ne se passera pas comme ça. Votre propagande ici-bas a fait suffisamment de dégâts. Moi, je vais vous mettre en paix. Pénitence, je vais mettre en doute vos existences. Yahvé, Yahvé, vas-y papa, Yahvé, Allah, bravo maman, Yahvé. Bouddha et prend la main. Et puis regardez-moi. Mais ils m'ont dit, c'est pas notre faute, c'est une blague qui a mal tourné. Nous, on voulait juste plaisanter, on voulait pas avoir d'apôtre. Mais ils nous ont pris au sérieux, et qui nous crut, on crut en Dieu. Du coup, on est coincés, c'est pour se taper leur cérémonie. Et toujours les mêmes litanies, ils nous exploitent, nous persécutent, se vous usurpant. Non, on a plein le culte. Y'avait à la poil au pied, poil au pied. Y'avait à la main, et puis y'avait. Là, il y avait moi. Puis ils m'ont dit, ah oui, vraiment, l'écuménique, c'est pas bon dans les faux saints, c'est déprimant. L'odeur d'encens, c'est déprimant. On n'a même pas de congé payé. L'argent de la quête nous passe sous le nez. On n'ose rien dire, on a trop peur de tous ces prophètes pleins d'ardeur et de leurs regards inquisiteurs. On veut se tirer, foutre le camp, on veut retrouver notre maman. On peut dire que tu as eu le nez creux de rester en dehors du jeu, de ne pas vous, de ne pas vous, de ne pas vouloir être un dieu, craignant de Dieu. Je me dis toujours, est-ce que je vais faire plus marrant ou ça va être moins marrant? Alors donc on va faire carrément sinistre. plus triste. Enfin, ça dépend. Pour votre truc, enfin, plus sérieux, j'en sais rien. Bon, alors Dieu, mais Dieu. Mais Dieu, pourquoi Dieu? Dieu est-elle belle? Ève ne veut plus être une pomme, qu'on coupe un deux, une moitié d'homme, comme dans cette Bible à la gomme. Pour défendre la cause des femmes, elle vient chanter ses états d'âme, sa condition sur toute la gamme. Depuis le temps qu'on lui raconte que le diable est dans son corps nu, depuis le temps qu'on lui fait honte d'avoir goûté le fruit défendu, depuis le temps qu'on lui répète qu'elle est sortie de la côte d'Adam, elle en a marre de ses sornettes et de cette histoire de serpent. Ève ne veut plus être une pomme, faire valoir une moitié d'homme, comme dans ce grand livre à la gomme. Pour défendre la cause des femmes, elle vient chanter ses états d'âme, à condition sur toute la gamme. Elle en a marre de tous ces mâles qui la font trimer tant et tant, la traite comme une animale, juste pas bonne à faire des enfants. Elle en a marre de leur main mise. Où ça? Toujours tenue d'être soumise à tout leur désiderata. Ève ne veut plus être une pomme, un instrument, une moitié d'homme, comme ce vieux code à la gomme. La journée des femmes, elle vient chanter ses états d'âme, sa condition sur toute la gamme. Mais depuis qu'elle est citoyenne à part entière, elle vote enfin. Elle peut même être capitaine, gendarme, polytechnicien. Mais elle n'est pas du trompe-l'œil quand elle passe la barre des quotas, de portefeuille en portefeuille jusqu'au plus haut sommet de l'État. Ève ne veut plus être une pomme, un alibi, une moitié d'homme, dans ce nouveau code à la gomme. Sans attendre la journée des femmes, elle veut changer ses états d'âme, sa condition sur toute la gamme. Elle veut vivre, elle veut rêver de perspectives cavalières, dans un paysage moins guerrier, trouver de l'eau dans les déserts. Ève ne veut plus être une pomme, et surtout pas pareil que l'homme de ce vieux monde à la gomme. C'est au fil de minute comme ça. Dieu est-elle, là, non, ici, est-elle. Pardon. T'as une chanson comme ça où tu dis est-il, est-elle Qu'en est-il, qu'en est-elle oui, c'est ça. Existe-t-il Dieu existe-t-elle, voilà. Dieu existe-t-elle, finalement ça change un peu. Je connaissais une chanson d'ailleurs d'un ami à nous qui s'appelait Jean Genas, une chanson terrible. C'était un mec qui dit, et à la fin il disait Dieu est une femme. J'aime bien comme ça. Je change de Dieu et nègre, vous comprenez. Bon, non, non, excuse-moi. Eh ben oui, là tu me bouleverses. Tu avais une suite. Eh ben oui, parce que là j'ai une. Oui, mais c'était la chanson que j'avais prévue pour finir. Pour ne... Ah oui, mais pas tout de suite. Non, non, mais non, mais je vais la faire quand même maintenant. On en fera un gros fan. 10h05. Ah oui, t'en feras une autre. Oui, j'en ferai une autre. Allez, encore 20 minutes, et puis après... Allez, chut. Écoutez bien. Alors, c'est une chanson pour nous, les hommes. Écoutez bien. Tous les frangins, écoutez bien. Faut que je vous dise... Ce que je viens de découvrir en ouvrant un livre de cuisine. L'auteur s'appelle Marie-Denise. Et voilà ce qu'elle ose écrire. Bonsoir, je me présente, Marie-Denise. Je suis une bonne cuisinière, j'aime la bonne chair et j'en suis fier. J'ai mon diplôme de cordon bleu pour mesurer au mètre cube. Alors voilà, sans plus attendre, je m'adresse à vous, toutes les gourmandes, que la vue d'un homme fait saliver et qui en sont tout alléchés. Je vais vous apprendre à être ensemble des gastronomes en matière d'homme, car une fois que vous y aurez goûté, sûr qu'avec moi. Moi j'aime les hommes. Oui, j'en la forme. Plus j'en consomme, plus j'en suis fort. Ah, oh là là là. Ça me trouble là. Ça me trouble, ça. Voilà. Alors, je reprends son tir. Enfin, moi, j'aime les hommes. Oui, j'en rapporte. Plus j'en consomme, plus j'en suis pauvre. Quand j'en croise un qui me plaît bien, à la casserole, à la casserole. Il faut qu'il passe à la casserole. D'abord, sachez bien le choisir. Évitez donc les durs à cuire. Il faut qu'il soit appétissant, le timbre frais, le brillant. Puis qu'il soit temps, faut vérifier. Un peu d'eau du même gras souillé. Sinon, il n'y a vraiment pas de quoi, non pas de quoi en faire un plat. Quand vous êtes sûr qu'il vous convient, susurrez-lui, mon gros lapin, je te trouve mignon à croquer, je sens qu'avec toi, je vais me régaler. Allez, viens-t'en dans ma maison, je vais te faire ça aux petits oignons, quand je donne toutes les recettes pour que tu sois bien. Mon assiette, moi j'aime les hommes, plus j'en raffole, plus j'en consomme, plus j'en suis folle, quand j'en croise un qui me plaît bien, à la casserole, il faut qu'il passe à la casserole. Une fois chez vous, vous le dépiautez, n'hésitez pas à le dessaler. Préparez-lui un bain-marie pour qu'il soit propre et bien blanchi. Puis sur un bon lit d'aromate, couchez-le comme un coq en pâte dans les épices. Faites mariner jusqu'à ce qu'il soit bien relevé. C'est le moment de jouer la cocotte. S'il demande qu'est-ce que tu mijotes, dites-lui en ouvrant le butane, pour toi je suis touffe-touffe. Puis dans son jus, vous le laissez cuire. S'il veut partir, vous le faites revenir. Et s'il se met à vous péter, ben vous le mettez à l'étouffer. Ah, j'aime les hommes. Oui, j'en rapporte. Plus j'en consomme, plus j'en supporte. À la casserole, il faut qu'il passe à la casserole. Bon. Faites mijoter un bon moment, que sous la langue il soit fondant. Puis invitez quelques copines à venir se lécher les babines. Quand tout le monde est installé, vous le servez sur le canapé. Alors croquez à belles dents en tenant des propos croustillons. Empiffrez-vous, n'hésitez pas à vous enfourer jusque-là. Il sera bien temps, quoi qu'il advienne, de devenir végétarienne. Goûtez au plaisir de la chair et chantez en levant vos verres à la barbe des grands méchants loups mangeurs de petits chaperons rouges. Moi, allez, tous avec moi, les filles hein, plutôt. Moi, j'aime les hommes, plus j'en rapporte, plus j'en consomme. que j'en suis folle quand j'en croise un qui me plaît bien. À la casserole, à la casserole, il faut qu'il passe. À la casserole, à la casserole, à la casserole, il faut qu'il passe. À la casserole. Papa est poli, amoureux. Entre ses femmes, il fait ce qu'il peut. De chacune, il s'est séparé. Mais pour chacune, il a gardé un sentiment. Il aime maman, mais moins qu'avant. Elle voudrait tant un autre enfant. Elle a mis ses ovules dans le congélateur. Et elle les garde pour des temps meilleurs. Papa est poli, amoureux. S'est décidé depuis peu à vivre avec son bel ami et il s'est paxé avec lui. Le paxé de papa vient d'être papa avec papa. Grâce à la deuxième femme de papa qui a eu l'idée heureuse de bien vouloir être la mère porteuse. Papa polyamoureux, parfois ses sons sont périlleux. Il a quatre filles dans le premier lit, plus une autre avec une amie. La compagne de maman, elle porte un enfant pour être maman avec maman. Le paxé de papa ravi a eu l'honneur d'être choisi pour être le donneur. Papa est polyamoureux, pour moi c'est un vrai sac de nœuds. Dans cette famille recomposée, j'ai du mal à m'y retrouver. Les trois femmes de papa et leur mari et leurs enfants aussi, tous réunis et dimanche en famille avec mes frères, mes sœurs, mamie porteuse et le paxé de nœuds. Papa est polyamoureux, mais cette fois-ci c'est du sérieux. Il revit sa nouvelle amie, vient la voir un garçon de lui. Oui, l'ami de papa, j'en reviens pas. Elle m'a séduit et je vais être papa. Et la boucle bouclée, je serai bien ton frère. Le frère de mon fils et fils de mon père. Papa est polyamoureux. Papa est polyamoureux. Polyamoureux. Polyamoureux. Polyamoureux. Polyamoureux. Absolument, oui, ça m'arrange, je vous fais un verre. Un verre pour Jésus. Non, non, pas pour le boulot. Oui, donc. Non, oui. Si, si, si, si, si. Ah, bah, si, ah, si, bah ouais, quoi. Tes désirs sont de l'amour, non, mais. De l'amour, quoi. Donc, oui, oui. Quand la nuit, doucement, tu viens hanter mes rêves. Que tu viens m'embraser, faire monter ma fièvre. J'ai envie de crier, de hurler mon désir, te jurer que bientôt tu vas m'appartenir. Parce que la vie sans toi, non, ça n'existe pas. Que je veux te gagner, te ravir, te voler, enfin te posséder. Argent, argent. Je t'aime à la folie, argent, argent, tu es toute ma vie. J'aime tant te palper, t'amasser, t'enlacer, respirer ton odeur, te serrer sur mon cœur et surtout sans bouger. Te laisser travailler, je calcule, je spécule, contemplant mon pécule. Et quand les bourses montent, mes actions se regonflent, mon bilan se redresse, mes placements sont juteux. Alors, je suis heureux, argent, argent, je t'aime à la folie, argent, argent. Tu es toute ma vie. Seulement, les temps sont durs. Il faut de plus en plus de pauvres pour faire un riche. Aussi, je ne serai pas chiche dès que je les aurai. Aussitôt, moi, j'irai leur faire la charité, mais de loin, car c'est vrai, les pauvres, ça sent mauvais, les pauvres, ça pue la sueur, les pauvres, ça sent des pieds, tandis que les riches, c'est vraiment différent, les riches, ils sont puants, argent. Non, ne me quitte pas. Que serais-je sans toi? La vie ne vaut d'être vécue que si l'on est cossu. Avec toi, c'est inouï. J'ai tout un tas d'amis. Et pour quelques roupies, des femmes dans mon lit, tout le monde enfin rit à mes plaisanteries. Maudissant les impôts, je comprends la détresse des exilés fiscaux. Argent, oh que jamais ne vienne argent, argent, un monde sans argent, argent, argent, car la fin de ton règne, argent, argent, ruinerait ma vie. Mon pauvre argent, mon cher ami, sans toi il m'est impossible de vivre. Sans effet, je n'en puis plus, je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Argent! Pendant des années. Le saut de l'ange. On peut applaudir rien pour ça. Ah. À chaque fois, il est un vous êtes riche, vous êtes pauvre. Richie, poverty. Man power, pauvre man. Riche, pauvre, riche, riche, riche, pauvre. Enfin, vous savez pas bien, hein, finalement. Vous savez pas très bien. Oui, non, parce que... Alors, comment faire, hein? Des fois, on sait pas... Pour reconnaître, on cherche des trucs, quoi. Des signes distinctifs. Surtout, vous parlez riche, voilà. les pauvres volent, volent. C'est une vraie tentation. Les riches, riches volent, volent. C'est toute une tradition. Les pauvres tirent d'elle, les riches sur un tapis. Les pauvres vont au ciel, les riches au paradis. On est de plus en plus nombreux. On est de plus en plus nombreux. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on, il y a des on partout. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on partout, il y a des on. Vous êtes convaincus? On chante avec moi. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on, il y a des on partout. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on partout, il y a des on. À la fin, qui donc est ce on qui n'ose pas dire son nom? Est-ce un marquis? Est-ce un baron? Ou est-ce un duc? Est-ce un ducon? Est-ce que on est féminin? Ou bien on est-il masculin? Certes se pose la question depuis le chevalier des on, depuis le chevalier des on. Dans toutes les conversations, il y a du on à profusion. Dans les proverbes et les dictons, on trône avec ostentation. On n'est pas sérieux à 17 ans, mais on n'a pas toujours 20 ans. Et comme on ne meurt qu'une fois, on n'est pas là pour se faire engueuler. On n'est pas là pour se faire engueuler. Mais est-il beau, beau, beau, Léon? Ne serait-il pas cupide, on? Mais est-il beau, beau, beau, Léon? Ne serait-il pas abandonné? On, je me suis un peu planté. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on, il y a des on partout. Il y a des on, il y a des on, il y a des on. Il y a des on partout, il y a des on. Aura-t-il vraiment du succès? Il y en a qui crient, on a gagné! Pendant que d'autres au bout de la rue affirment que on a perdu. Mais dis-toi bien qu'on ira où tu voudras, quand tu voudras. Car en amour, on croit toujours aux doux mots d'amour. Oui, quand on aime, on ne compte pas et on ne pense plus qu'à ça. Et plein d'ardeur, on bâtit folle. Car on s'en fout d'attraper la vérole, car on s'en fout d'attraper la vérole. Mais est-il beau? Oh, hein, hein, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, hein? Mais, ah oui, mais ça y est, ça y est, ça y est. Mais où va-on? Mais où va-on? Mais on y va tout droit. Qu'en dira-on? Qu'en dira-on? Ben on dira ce que on voudra. Et grâce à son anonymat, on peut bien dire n'importe quoi. Et grâce à son anonymat, on peut bien dire n'importe quoi. Et y a des on, y a des on, y a des on. Mais voilà le doute qui se pointe. Est-ce que on est vraiment que on? Ou, de manière plus succincte, est-ce qu'on est con? Est-ce qu'on est con? Q-U apostrophe. Serais-je on? Seriez-vous on? Être ou ne pas être on? Serais-je on? Serais-tu on? Ah, je me pose des questions, mais au loin brillant comme un phare, n'est-ce donc pas le pharaon? Enfin sur le chemin de la gloire, le verra-t-on à Panthéon? Y a des on, y a des on, y a des on, y a des on, y a des on partout. Y a des on, y a des on, y a des on, y a des on partout, y a des on. Oui, Léon, j'ai des on, j'ai des on, j'ai des on, j'ai des on partout. Oui, Léon, j'ai des on, j'ai des on, j'ai des on très intime, Léon Pompon. Quiero. tu vois. Il est 24. Non, pas les heures. J'avais pas regardé. Mais non, mais je la chante plus. Ah, tu veux quelque chose d'entraînant ? Bah pour finir, oui. Ouais. Ça consiste chez qui ? J'ai boire un peu de champ. Ah, tu vois, c'est bon ça. Non, mais bon, je ne peux pas. Oui, j'ai quelque chose. Voilà, l'entraînement. Mais quand même, ce que tu veux savoir. Tu veux savoir ? Tu fais un petit tour du monde. Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est longtemps que oui, c'est ça. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais ça devient 50 pour moi parce que oui, c'est un peu. Parce que j'hésitais parce qu'il a parlé du Panthéon. Ou... Un vieux rêve. On y pense. C'est ton genre. Bon, une chanson d'amour, quoi, pour finir. Hein, parce qu'on va chanter une chanson. Bon, vous chantez deux chansons d'amour et puis après. Le bar est ouvert. Ça donne faim, ça va nous mettre en appétit. Oh Isabelle, belle, belle de jour, pour vous prouver mon amour. Reine des nuits, je voudrais donner ma vie. Cécile, s'il vous plaît, si l'amour ne vous effraie. Oh lise dans mes yeux tout mon sentiment. Et dites-moi, pour y calmer mon émoi. Juliette, êtes-vous prête à me suivre partout? Michel, elle sait s'éclater où bon lui plaît. Monique, Nick aussi, seul ou selon son envie. Sandrine, drine, allô? Êtes-vous libre ce tantôt Chantal? Le temps, venez vite, je vous attends. Odette, détestable, le renvoi à tous mes diables. Mireille, mon nom, de la liste de ces mignons. Sophie, priez, assez jeu sophistiqué. Marcel, celle que j'aime, et moi chiche et sans problème. Adèle, le soir, mon cœur est rempli d'espoir. Agnès, est-ce toi, je suis encore près de moi. Claire, éclaire-nous, de tes grands yeux d'Amadou. Geneviève, Ève, est venue, si vous nous vivons tes nus. Edwige, vigilante, et est-ce que tout le monde chante Carmen, mène le bal, de ce plaisir carnaval. Sois heureuse, j'aime ta moue dévoreuse. Marions-nous, le bonheur m'a rendu fou. Sylvie, vis ta vie, aime-moi toute la nuit. Reste encore dans mes bras jusqu'à la mort. Mathilde, il devient nécessaire de dire la fin. Odile-moi, doucement du bout des doigts. Delphine, fine main, dégrisée le lendemain. Laurence, anse le vent, minutieuse prestement. Annette, à nettoyer. Léon, pour cette soirée. Il va peut-être nous arranger ça par la chanson suivante, parce que justement, je suis désolé pour celle que je n'ai pas nommée. Ernestine, revenez la prochaine fois, je vous ferai quelque chose pour vous. Quand je regarde une map monde, j'ai envie de faire le tour du monde. Mais je dois reconnaître, mon cher Roger, j'en finis pas de m'interroger. C'est juste pour la rime. Car dans ces pays qui me font rêver, je me demande si je vais trouver. Quoi donc, bord au jeu? Me verrais-je offrir une belle paire de fesses, un plaqueur de fesses? Vais-je pas me retrouver sans ma manibar au fond de Zanzibar? Et me fera-t-on des papouillassis en Papouasie? Est-il vraiment sûr que mon entourage honore mon courage? Et sous un boubou ferais-je des poutous en dessous de Tombouctou. Est-ce que Sarabande, est-ce qu'elle se marchande dans tout sa marcande? Et puis dans la ouate, pourrais-je voir sa chatte là, voir Zaza? Est-ce qu'il y aura une nana pour moi dans la Napourna? Verra-t-on bandé pour de grosses doudounes dans le port de Bandung? Pourrais-je m'exclamer, ouah qu'elle a du goût, à Ouagadougou? Honorerais-je une petite Lulu, à Honolulu? Est-ce qu'en plein hiver, je vais me verre une poule, yes, in Liverpool? Ferais-je des mimi, quel mal y a là, dans l'Himalaya? Peut-être même en levrette, après une petite sieste au sommet de l'Everest. Et me dira-t-on, mon petit chéri, à Pondichéry, une paire de jumelles, va nous voici, bis, à nouveau Sibirsk. Trouverais-je en cocasse une bonne occasion, une môme qui me laisse couche jusqu'en plein Moscou? Une mistouche pipi dans le Mississippi, craquera-t-elle d'envie en vue de Cracovie? Dira-t-elle tout bas, à Manitoba, ou mon Malawi, oui, ou Malawi? Dira-t-elle tout beau, à Pina tout beau, petit Pakistan, dans le Pakistan? N'y a-t-il pas Tonga ou Tonganika qu'à la fin escasse près de Caracas? Ferais-je l'amour dans le fleuve amour et puis à quatre pattes au-dessus des Carpates? Aurais-je son corps fou au cœur de Corfou? Plongerais-je du balcon dans son Rubicon? Mettrais-je mon doigt là, là, à Douala, sans emmerdement dans la mer d'Oman? Serais-je Pompéi? Oui, face à Pompéi. Alors, qu'à deux pas de chez moi, il y a... Tralala. Bâbord, Bagatelle, Marne, la coquette, Bureux sur Rivette, Pouilly, Pont aux Dames, et même Sucy, la queue en brille. Mais y donc Montreuil, Épinay sur Seine, bien sûr, pour la reine. Besoin tout mon sou. Bouffer mon château en finissant par jouir en Josas. Ces trucs, ça m'a donné faim. C'est appétant. Et on m'a mis en appétit. Donc, on va pas tarder. Le bar est ouvert. Une charmante ouvreuse va passer parmi vous pour le denier du culte. Non, vraiment plein culte. Bon, ben oui, il faut plus s'arrêter un jour. C'est toujours l'invité qui termine. On va pas recommencer. Voilà. Et on remercie. Et on remercie. Voilà, et on remercie.